Chapitre 2e. Un mois s'était écoulé depuis l'installation de M. Proctor. Le revenu du rectorat, sans être considérable, lui permettait cependant de mener une vie douce et confortable. Dans le salon élégant et simple de la cure, une très vieille femme, vive, quoique infirme, était assise. C'était la mère du recteur. L'amour qu'il lui portait avait laissé à ses sentiments leur fraîcheur juvénile, et personne ne savait qu'auprès d'elle il oublierait sa gaucherie et sa timidité. Il était non seulement un fils dévoué, mais un enfant bon et soumis. Depuis de longues années, son unique but avait été de faire quitter à sa mère le cottage qu'elle habitait depuis le Devonshire pour la mettre à la tête de sa maison. La perspective de réaliser ce désir avait été le principal attrait de Carlingford pour lui. Car si, ne consultant que son goût, il était resté à All Souls, il aurait pu lui assurer que sa vieille mère ne rendrait pas le dernier soupir sans jouir de la consolation suprême qu'il avait rêvée pour elle. Ce bonheur était donc presque le seul qui le réconcilia avec sa vie nouvelle. Elle était là, la chère vieille femme, sourde, sourde comme on le devinait, rien qu'à son regard inquisiteur. La canne à pomme d'argent, qu'elle avait auprès de son fauteuil, témoignait d'une faiblesse extrême. Mais s'il était faible de corps, son esprit était doué d'une activité que les années n'avaient pas amoindrie. Toujours prête à donner son opinion sur ce qu'elle lisait ou entendait, heureuse des soins de son fils, ravie de le voir sans cesse, elle s'occupait de tout et prenait intérêt aux affaires de ceux qui l'entouraient, comme si elle eût passé sa vie à Carlingford. Le recteur soupirait et souriait en écoutant ses questions, auxquelles il répondait de son mieux et de sa voix la plus élevée. Sa mère était, il faut bien le dire, de 100 ans plus jeune que lui. Elle eût été sa femme, et à cet âge de la vie où tout est rire et joie, qu'elle n'aurait pas montré plus de gracieuse curiosité à l'égard de ce qui se passait autour d'elle. M. Proctor, livré aux 1000 préoccupations qui remplissent une carrière pénible, était, lui, plus vieux, plus grave que son âge. Sa mère venait d'arriver à ce point où, chez certaines natures énergiques, l'esprit ayant, si l'on peut parler ainsi, redescendu le penchant d'un coteau, semble disposé à remonter de nouveau le versant opposé. 5 ans auparavant, Mrs. Proctor semblait avoir vécu. Maintenant, on eût dit qu'elle recommençait à vivre. Mais à parler vrai, le recteur aurait ardemment souhaité restreindre la curiosité de sa mère aux livres et à la politique. Il éprouvait une grande répugnance à faire à la vieille dame des confidences qui pouvaient être entendues de la cuisine. Peu à peu, il avait fait connaissance avec ses paroissiens. Déjà, ces derniers l'avaient harcelé d'invitations. Il avait dû s'y rendre et ses réunions, qui peuvent avoir des charmes pour ceux qui savent y prendre intérêt, n'étaient aux yeux du recteur qu'une monotone et effrayante répétition des mêmes plats, des mêmes toilettes et des mêmes histoires. Aussi se bornait-il à causer poliment avec son voisin de table et à garder le plus modeste silence quand on passait au salon. Ses paroissiens n'avaient donc pu faire de grandes études sur leur recteur, et il était tout aussi impossible de deviner quelles étaient ses intentions après un mois de séjour qu'au moment de son arrivée. Il n'avait fait aucune innovation, cependant il ne marchait pas dans la même voie que M. Burry, et ne prononçait exactement que les sermons nécessaires aux besoins du service. Lorsque de chauds partisans de l'église anglicane discutaient autour de lui les progrès de l'hérésie, il écoutait avec une parfaite indifférence, et personne ne put parvenir à lui faire exprimer une opinion sur le luxe que M. Wentworth avait inauguré à Saint-Roch. On se demandait en vain ce qu'il était, ce qu'il comptait faire. Il n'appartenait ni à la haute ni à la basse église. Il n'était ni zélé, ni indifférent, ni bigot, ni libéral. C'était un agrégé d'All Souls. « Apprenez-moi donc, mon enfant, » demanda la vieille Mrs. Proctor, « ce qu'est ce Monsieur Woodhouse ?» Le recteur rapprocha ses lèvres de l'oreille de sa mère et cria « Il est marguillier. »« Quoi ? Vous oubliez que je suis sourde. Qu'est Monsieur Woodhouse ?» demanda une seconde fois la vieille dame. « C'est une âme !» cria le recteur aux abois. Mrs. Proctor fit un signe d'assentiment. « C'est aussi mon opinion, mon cher enfant. Ce qui me plaît dans votre façon de vous énoncer, Morlaix, c'est la concision. » continua-t-elle en riant. « Mais cela ne m'explique pas pourquoi M. Woodhouse vient souvent ici. Qu'est-il en outre, mon ami ?» Le recteur montra la porte d'un geste nerveux. Enfin, après quelques recherches, il tira de sa poche un carnet dont il détacha une feuille sur laquelle il écrivit « Il est marguillier ». On entend tout de la cuisine. Il est marguillier, s'écria la mère, égayée par les craintes de son fils. Eh bien, quand on entendrait de la cuisine, ce n'est pas un crime d'être marguillier, a-t-il une famille? M. Proctor se troubla, et jeta un regard inquiet du côté de la porte, hésita, comme s'il eût voulu faire une observation, puis, D'une voix sépulcrale, il répondit « Deux filles ». « Ah, très bien » s'écria-t-elle. « Deux filles, très bien, tout s'explique. Je vois maintenant pourquoi M. Woodhouse vient si souvent au rectorat. J'avoue que je n'avais pas pensé à cela. » Le recteur était hors de lui. Il n'osait pas demander quel était le motif des fréquentes visites de M. de Woodhouse. Mais il était clair qu'il ne se doutait nullement de ce que sa mère avait deviné, de sorte qu'en voyant son air embarrassé et inquiet, la vieille dame partit d'un long éclat de rire. « Je crois, lui dit-elle, que vous ne vous doutez nullement de ce dont il s'agit. Sont-elles jeunes ou vieilles, jolies ou laides? Dites-moi cela, Morlaix. » M. Proctor ne pouvait avoir oublié les deux filles de Woodhouse. Il lui semblait, au contraire, les voir encore devant lui. Lucie, rieuse et charmante, et sa sœur aînée, grave et douce comme d'habitude. Nous ne pourrions même affirmer qu'un nuage bleu ne brilla pas comme une lueur soudaine devant les yeux du digne homme, qui n'avait jamais su ce que c'était qu'un ruban. Il était si ému que sa mère fut obligée de réitérer sa question en lui frappant doucement le bras. « Mon Dieu !» répondit enfin le recteur confus. « L'une est une chose et l'autre une autre. » Cette déclaration solennelle ne fut sans doute pas comprise dans la cuisine, où nous n'irons pas qu'elle excita la plus vive curiosité. « Êtes-vous bien dans votre bon sens ?»« Morlaix !» s'écria la vieille dame. « J'espère que vous ne prêchez pas ainsi. »« L'autre, une autre, est-ce là tout ?» « Je parie que c'est celle-là qu'on va vous faire épouser. Voyons, Morlaix, confiez-vous à votre mère. » Le recteur fut comme foudroyé. « Lui faire épouser quelqu'un ?» Cette idée était trop terrible pour que son esprit pût en recevoir l'empreinte. Cependant, la détresse, l'horreur sincère, qui se peignirent sur sa physionomie, captivèrent l'attention de sa mère. Elle en était contente, heureuse. Ses sentiments d'ailleurs étaient faciles à comprendre, car à peine installée en souveraine chez son fils, elle ne se fut pas soumise sans regret à résigner son sceptre entre d'autres mains. « Asseyez-vous là, mon cher enfant, » dit Mrs. Proctor, « et racontez-moi tout ce que vous savez. Vos domestiques ne comprendront pas de qui nous parlons. N'ayez donc pas peur d'être entendu. Ainsi, vous n'avez pas deviné pourquoi M. Woodhouse vient ici ? Je ne prétends point que vous ne deviez pas vous marier, mon ami, au contraire. Un homme doit toujours finir par là. Il me semble seulement qu'il s'y prenne un peu tôt. Il doit y avoir beaucoup de jeunes filles à marier dans votre paroisse, Morlaix. » Le pauvre recteur ne répondit que par un soupir, mais un soupir si expressif que sa mère le comprit sans l'avoir entendu. « Elles viendront me voir, » reprit Mrs. Proctor, dont les yeux brillèrent de plaisir, « et je vous dirai tout. Croyez-moi, je saurai quels sont leurs projets. Maintenant, si vous désirez faire une promenade ou rendre quelques visites, que je ne vous retienne pas à Morlaix. Les journaux doivent être intéressants aujourd'hui, et je crois même que je ferai un léger somme. Ainsi, ne vous gênez pas pour moi. » L'empressement avec lequel le recteur se leva et sortit contrastait avec l'expression de découragement et de douleur peinte sur son visage. Il fit le tour du jardin, puis il s'arrêta, incertain s'il devait se replonger à jamais dans ses livres ou se poser hardiment en face de ce monde qui conspirait contre lui. La question était grave pour M. Proctor, mais il sentit vaguement qu'il n'était pas libre d'agir à sa guise et qu'il n'avait pas le choix. En effet, comment pouvait-il connaître la limite au-delà de laquelle un homme risque de se compromettre pour une femme? Or, autant qu'il en pouvait juger, il s'en trouvait un qui avait formé des projets sur lui. Il n'était pas vaniteux et ne se croyait pas un Adonis, mais il ne comprenait rien aux affaires de ce genre, et cela se conçoit de la part d'un agrégé d'Old Souls. Du reste, depuis que le monde est monde, les femmes n'ont-elles pas toujours été incompréhensibles? N'est-il pas certain qu'il n'en ait pas une qui ne cherche à se marier ou à marier les autres? Des récits d'autrefois lui revinrent en mémoire. Il n'y en avait pas un dans lequel un homme si laid, si désagréable ou si pauvre qu'il fût, n'eût à raconter comment il leur avait échappé. Il se souvint et trembla. Jamais femme ne fut plus épouvantée des poursuites d'un amant que ce malheureux, sous la conviction que Lucy Woodhouse voulait l'épouser. L'image du vicaire de Saint-Roch ne lui apporta aucun soulagement. Son âge, si différent de la brillante jeunesse de Lucie, ne lui paraît même pas une sauvegarde assurée. Les pensées des femmes ne sont-elles pas impénétrables? Sa mère d'ailleurs n'avait-elle pas assez d'expérience pour juger des intentions de tous ces gens-là? Et ne savait-elle pas lire dans le cœur des jeunes filles? C'était évidemment là ce qu'il avait à craindre, impossible d'en douter, et que pouvait-il faire? Il faut avouer, en historien véridique, qu'au fond de son âme, et malgré son épouvante, le recteur sentait que, si Lucie, selon les projets qu'il lui supposait, parvenait à mener la chose à terme, il n'aurait guère la force de lui résister. Elle pourrait l'épouser avant même qu'il eût le temps de se reconnaître, et alors il comprenait bien qu'il ne serait pas aussi malheureux qu'il le croyait. Il n'est donc pas étonnant qu'il fût effrayé de la position dans laquelle il se trouvait, et nul ne pouvait prévoir à quoi de pareilles craintes le mèneraient. Quand, à l'heure du dîner, M. Proctor se retrouva avec sa mère, il vit bien que celle-ci avait à lui dire des choses que les domestiques ne devaient pas entendre. La vieille dame regardait le visage inquiet et troublé de son fils avec des sourires, des clignements d'yeux, des airs d'intelligence qu'il ne comprenait pas et qui ne faisaient qu'augmenter son embarras. Lorsqu'il fut seul, il vida lentement son verre. Un silence lugubre planait autour de lui. Partagé entre le désir de savoir ce que sa mère avait à lui dire et sa répugnance à laisser voir sa curiosité, il passa une assez triste demi-heure dans la salle à manger. Il fit cependant un effort pour sortir de l'état de prostration dans lequel il était. Il se rappela en soupirant les classiques dîners et les ombrages bénis de All Souls. Maudit soit le jour où il avait quitté cette chère retraite. Non, il ne pouvait consentir à rester dans une aussi misérable condition. Il fallait une autre société que celle de ses paroissiens. Et tout en caressant la perspective d'une série de graves dîners que les femmes ne troubleraient point de leur présence, il se leva et alla rejoindre sa mère dans le salon. Dès qu'elle le vit paraître, la vieille dame lui fit signe d'approcher et elle put à peine attendre qu'il se fût assis près d'elle pour entamer la conversation. Elle avait ôté ses lunettes, mis de côté son journal, éloigné son panier à ouvrage. Enfin, tout était prêt pour une causerie intime. « Elles sont venues, mon enfant, » dit Mrs. Proctor en se frottant les mains. « Toutes les deux, elles ont été très aimables, comme je m'y attendais. Une vieille femme inspire un double intérêt quand elle a un fils à marier. J'ai toujours fait cette remarque. « Oui, elles sont venues, et elles me plaisent beaucoup. »« Vraiment, mère ?» cria le recteur tout interdit. « Beaucoup, » continua-t-elle avec sa vivacité accoutumée. « Ce sont de charmantes femmes. Elles ne ressemblent pas à leur mère, heureusement. L'aînée paraît avoir beaucoup de sensibilité et serait, j'en suis sûr, surtout pour un ecclésiastique, une compagne précieuse. Elle n'a plus, il est vrai, l'éclat de la jeunesse, mais est-elle la seule ?» Le recteur changeait d'attitude et d'expression à chaque mot de la vieille dame. La tristesse faisait place au désespoir. La crainte d'être marié malgré lui était grande, sans doute, mais la perspective d'épouser Miss Woodhouse était plus terrible encore. La pâleur et la contraction de son visage furent pour la mère une réponse suffisante. Néanmoins, elle fit comme si elle ne voyait rien. « L'autre est bien jolie, » reprit-elle malicieusement, « n'est-ce pas, Morley ?» M. Proctor hésita, rougit, et essaya de répondre par un signe d'assentiment. Mais la vieille dame ne voulait rien voir. « Je ne m'y connais guère, » répondit-il enfin. « Vous ne vous y connaissez guère, sans doute. Cependant, vous ne voulez pas dire, par hasard, que vous ne la trouvez pas jolie, » dit l'impitoyable Mrs. Proctor. « Du reste, elle me fait l'effet d'une petite coquette. Sa sœur lui est infiniment supérieure. » Le visage du recteur s'assombrissait de plus en plus. L'image des deux Miss Woodhouse passait devant ses yeux comme une vision qui devenait de plus en plus distincte à mesure que sa mère parlait. Il est étrange qu'ignorant comme il était de tout ce qui concernait les femmes, son esprit lui représenta, avec une fidélité parfaite, les moindres détails de leur toilette et de leur personne. Il eut comme une douloureuse intuition de la vérité de ce que lui disait sa mère, et son imagination lui représenta un instant la sœur aînée dans tout le charme d'un beau soir d'automne. Personne ne pouvait mettre en doute ses bonnes qualités, et n'était-il pas incontestable que pour un homme de 50 ans, qui ferait la folie de se marier, elle serait une compagne mille fois plus convenable qu'une jeune fille en ruban bleu. Le malheureux recteur ne semblait cependant pas bien convaincu de cette vérité. Il ne répondait rien aux innocents sarcasmes de sa mère, dont l'instinct de malice féminine contre l'ennemi commun triomphait un instant de son admiration pour son fils et lui faisait jouir outre mesure de son effroi que la méchante prenait plaisir à aggraver. « Oui, c'est une coquette, » reprit Mrs. Proctor. Je suis sûr que cette jeune fille se moque de ses admirateurs et n'aime qu'à essayer son pouvoir. Je connais ces femmes-là. Aussi, à votre place, continua la vieille dame, ayant peine à garder son sérieux, je ferai plutôt la cour à Mrs. Woodhouse. Vous pouvez m'en croire, Morley. C'est une femme sur laquelle on peut compter. Elle est très supérieure, qu'importe son âge. Vous n'êtes pas jeune non plus. Elle serait une excellente femme, ni coquette, ni capricieuse. En vérité, Miss Woodhouse me plaît beaucoup. Le recteur se leva brusquement et se mit à ranger quelques volumes épars sur une petite table. « Je vous ai apporté quelques livres nouveaux, » lui dit-il. C'était le seul moyen que lui eût suggéré sa naïveté pour mettre fin à cette conversation désagréable. Les yeux de la vieille dame brillaient de plaisir et de malice, mais elle ne put pousser la dissimulation au point de ne pas s'occuper des livres. Elle les feuilleta et fit sur chacun d'eux des remarques pleines de vivacité et d'à-propos. « Pourtant, dit-elle à son fils, au moment d'aller se coucher, il ne faut pas que tout cela vous fasse oublier Miss Woodhouse. Songez-y de temps à autre. C'est une chose sérieuse et que vous devez considérer à loisir. Vous avez une position maintenant, il faut songer à vous établir. » Elle le quitta sur ce dernier trait. Ce soir-là, au lieu de travailler, le recteur se coucha. Mille visions fantastiques le poursuivirent dans son sommeil. Se marier, hélas, et devant lui brillait le doux souvenir de son bonheur passé. Il se rappelait, avec de profonds regrets, cette sainte retraite, où il n'y avait ni paroissienne, ni fille à marier.